devant le château, entre Perdican. Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est en soi peu cavalière pour une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable, je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait, peut-être elle répétait une leçon, et d'ailleurs il est clair qu'elle ne soucie pas de moi. D'une autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche pas qu'elle ait des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela est certain qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Ah, je vais au village.